As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Control denied, devastation, Aronated, les survivants de la radio métal au Québec et more. Salut, Sylvain Latour de retour pour Subversion, une 21e édition, celle du 12 février 2016. Je suis avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio en ce vendredi soir. Et pour ceux qui nous écoutent en différé, en podcast via SoundCloud ou hurlemort.com, eh bien, bienvenue encore une fois. Et sachez que, nous saurons où les ondes voudront bien porter ma voix. À travers la planète, à travers la MRC de Rouyn-Noranda, mais ça, c'était il y a fort longtemps, ça fait déjà 30 ans de ça. Alors, parlant d'anthologie, c'est aujourd'hui, enfin, cette émission consacrée entièrement aux survivants de la radio métal au Québec, ces vétérans, justement, de la radio qui diffusent de la grosse musique heavy metal et qui le font encore de manière traditionnelle à ce jour. On parle d'un club très sélect de 5 personnes qui ont cumulé au moins 500 émissions, pour ne pas dire 666 émissions, et qui le font toujours à ce jour. On parle du Dr Pendragon à C'est Fou, de Christine Fortier à CISM, de Simon Girard à CIBL, de Jean-Pierre Grenier à CKIA et d'Alain Lefebvre à C'est Fou. Quand on parle de ça, nous vient à l'esprit, parmi les pionniers de la radio, du métal radio diffusé au Québec, ceux qui les ont précédés et qui ont aussi cumulé plus de 500 émissions, assurément. On parle de Chantal Lemire à CFNJ, qui l'a fait pendant 24 ans à Saint-Gabriel-de-Brandon. Aussi Laurent Cadieux, évidemment, CIBL, avec la première édition du Bourreau métallique de 1987 à 2000. Et du regretté Danko Todorov à CISM, avec Lucère de vos nuits. Qui l'a fait pendant une quinzaine d'années. Bref, on ne peut pas passer sous silence non plus. Parmi les pionniers, ces émissions références de Québec, comme le Black Power de Raz Evil, le Blasphème de Yves Bergeron, Christian Campeau et Christian Petit à la Radio Basseville, Sequoia. Aussi le Métal sur Métal à Sainte-Thérèse, le Métal Militia à CIRC, le 88 Rock à CIRC, à Rouyn-Noranda aussi, le Mur du Son à Sherbrooke, pour ne nommer que ceux-là. Et évidemment, avec le flot incessant de l'émergence de radio Internet et de justement de web radio depuis une quinzaine d'années, on a vu toutes sortes de formes d'émissions apparaître, des fois avec une animation un peu minimale. Et en s'écartant un petit peu de la façon de faire traditionnelle, mais à ce jour, il y a encore des personnes passionnées, dédiées à la cause, qui le font toujours. Je peux nommer aussi ceux qui le font depuis un peu moins longtemps. Luc Lenné à Sherbrooke, à CFLX, avec son émission Alerte Métallique depuis 2006. Aussi le Maître du Métal à CFLX avec Mathieu Lecourt. Et d'autres émissions comme ça, assez fou, avec Matière Noire, au CKHQ de Kanesetake, le Metal Hour. Et donc, ce sont eux les survivants de la radio métal au Québec. Et ça me fait plaisir de leur rendre hommage avec cette 21e émission. Donc, nous allons passer en justement on va consacrer il y aura 5 segments à l'émission pour les 5 animateurs que j'ai mentionnés au début. Alors allons-y avec ce premier survivant de la radio métal. Dr. Pendragon, réanimation C'est fou, Trois-Rivières. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout s'il vous fait croire que vous êtes sourd et que vous ne comprendrez plus jamais rien. Pourquoi? Parce qu'au préalable, il vous a convaincu que vous étiez déjà mort. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation. En ce 8 décembre de l'an de disgrâce 2015, je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Benoît Grenier, un ancien membre d'une des formations pionnières du métal québécois, Outrage de Trois-Rivières, a subi une stupéfiante métamorphose au début des années 2000, faisant de lui ce qu'il est devenu, soit l'infâme Dr. Pendragon. Vétéran du métal à Sifu et faisant office de son laboratoire depuis 15 ans, il a pour mandat non seulement de réanimer des corps, mais aussi des formations qui jadis ont été marquantes dans l'histoire du métal, principalement le thrash et le death metal. C'est dans une atmosphère glauque ou insécure, digne d'un manoir en Transylvanie ou de rues obscures de Londres à l'époque victorienne, par certaines nuits pluvieuses, que le Doc exerce son pouvoir de contrôler l'esprit des êtres indolents, vivants ou morts, qui l'entourent, de même que ses auditeurs qui sont envoûtés par son discours et possédés par la musique peu reposante qu'il diffuse les mardis soirs sur la fréquence 89.1 de la Radio Campus de l'UQTR. Au travers d'intéressantes chroniques cinéma, le Doc, un expert en films d'épouvante, de fantômes et de zombies, nous trempe dans son propre univers avec un humour morbide et un vocabulaire sophistiqué, tout en étant vindicatif envers tous les lutins, les gobelins et autres créatures insipides qu'il martèlera à coups de Morbid Angel, Entomb, Cannibal Corpse, Dark Angel et Hate Eternal. Et vendredi, le 22 mai, Trois-Rivières Metal propose toujours à Café Le Stage Blinded by Fate, formation de Québec, en compagnie de Harkons. Et ça m'amène à vous dire que Harkons, la semaine prochaine, on va en avoir. Parce que c'est une demande de mon ami Tower of Death, le cyborg, le T-1000, qui, justement, Sinistros, chose intéressante, Tower m'écrivait un peu plus tôt ce soir pour me dire que il va écouter les balados diffusion de réanimation sur le site de réanimation, animationad.com, et il écoute ça le matin en déjeunant, avant c'est d'aller travailler. Ben, c'est intéressant. Donc, réanimation, En déjeunant. C'est une excellente petit café, façon. Un jus d'orange et un petit baguette. Oui. Et t'as réanimation. Déjeuner en compagnie de réanimation et soyez sûr d'avoir une indigestion. Le concept d'émission était un savant fou. Je ne te cacherai pas mon admiration pour tout ce qui est le monde de Victor Frankenstein et sa créature. Tu sais? Donc, c'était évidemment une forme de transposition, si on veut, adaptée. Puis, je me disais, ben l'animateur, pour être, je dirais, pour détonner des autres émissions, pour être plus éclaté, ben ça prend un personnage qui est pas très sain d'esprit, qui a des réactions des fois un peu inattendues, imprévues, qui a des commentaires des fois qui peut-être juste être déplacés. Pas blessant par contre, tu sais, je m'étais mis une certaine limite là. Donc c'est comme ça que j'ai amené le personnage, mais le personnage s'est vraiment transformé parce que l'émission a un peu plus de 15 ans maintenant. Ce qui veut dire que le personnage a vieilli, oui, quoi qu'il est intemporel dans les faits, dans le théâtre de l'histoire, si on veut. Mm-hmm. Mais moi, j'ai vieilli, ma conception des choses a changé aussi, ma perception s'est modifiée, mes goûts se sont modifiés aussi avec le temps. Mm-hmm. Donc, le personnage, je veux pas, a suivi tout ça. Ma nature à moi, étant un peu de provoquer des choses, de bousculer un peu pour que les gens réagissent, ben, je l'ai amplifié avec le Dr. Pendragon. J'ai amplifié ça, je l'ai mis plus évident, plus caricatural, ça manque de subtilité par moment, parce que le docteur a des réactions qui sont des fois très, très comme une claque en arrière de la tête, tu sais. Oh. C'est que d'avoir un personnage comme animateur, tu peux te permettre de faire des choses qui ne sont pas une signature de moi-même, de Benoît Grenier, si tu veux. Tu sais. Je ne me commets pas à la forme, parce que si le docteur dit aux gens, vous êtes une gang d'incultes, vous êtes une bande de cons, puis vous êtes une gang d'enfoirés, puis allez tous vous faire foutre, ben c'est pas moi qui le dis, c'est un personnage qui est fictif. Il aura eu quelques assistants au cours de sa carrière de torsionnaire des ondes, comme Sinistros, le gobelin pestilentiel, ainsi que Jeff Hull, alors gérant de martyr il y a quelques années, l'assistant Jeff, souvent malmené en ondes par le doc. Et ça, j'en avais discuté avec Alain à un certain moment donné, parce que au fil du temps, j'avais eu premier co-animateur qui était Jeff Hull. Oui. Que je pense qu'il n'y a pas besoin de présentation non plus, qui a quand même juste animé quand même avec moi, je dirais, 4 ans, puis c'était l'assistant du docteur. Oui. Donc, l'assistant, c'était le gars qui se faisait brasser, c'était le sidekick. Puis Jeff, ça faisait des années que je le connaissais, donc on avait une bonne chimie ensemble, donc j'avais pas de misère à lui donner 3-4 mordifs on the fly, puis une botte au derrière, tu sais. Puis ça rentrait dans le jeu, ça rentrait vraiment dans le jeu de l'acting, des choses. Enfonçons jusqu'au bout l'ultime clou du cercueil et recommençons à prodiguer la bêtise humaine. Pour une deuxième fois consécutive, ce qui est signe que je ne suis pas très intelligent, c'est le retour de Jeff, le roi des primates Hull. Pour ça, je dis, j'en avais parlé avec Alain parce qu'il me dit, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il dit, tu dois pas toujours trouver ça drôle, mais il me semble que tu le ramasses pas mal. J'ai dit, écoute, moi j'ai eu la même réaction que toi, je partais. Ouais. J'ai dit, écoute, Alain, je pense que Jeff est tellement grand, il est majeur vacciné, fait que s'il voit que ça dépasse ce que lui veut pas supporter, mais oui, par bout, peut-être supporter ce qu'il veut que le setting de conduite là soit, il va me le dire, c'est pas correct. Mais en même temps, Jeff a toujours compris que c'était le personnage, ben oui. Puis qu'en même temps, j'avais un grand respect pour lui. Pendant les faits, le Dr. Pendragon, c'est quelqu'un qui a l'allure de, je dirais, à peu près de Jacques l'Éventreur. Fait que, il ressemble un peu à ça, mais c'est un personnage qui aura toujours 666 ans, année après année. Alain, c'est un plaisir de souligner à toutes les années. Oui, c'est vrai. Mais qui, dans les faits, est issu d'il y a plus de 670 ans aujourd'hui, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il est apparu, on sait simplement que c'est un personnage qui évolue, qui se promène entre une époque et une autre. Peu importe. Ouais, peu m'importe aussi. Peu importe le temps qu'il nous reste. Ouais, ben, c'est-tu bon, ça? Ben, c'est Fernand Gignac, mais... C'est assez moyen, là. Bon, ben écoute, là, Star Academy, ça commence. Là. J'aurais pu être choisi, mais j'ai pas le temps. c'est une grâce pour le Québec. Ils m'ont supplié. Ils disent, viens, ça va faire un bon show. Jeff, tu sais. Ben, je dis, écoute, là, moi, là, la radio a fait avec Pendragon, puis on a des gros dossiers chauds à régler. Effectivement, parce que... Oh non, pas mes chipouilles! Ouverture de bloc, Metallica. Oui. Je sais pas ce qui est arrivé avec eux autres. On les entend plus parler. D'après moi, ils travaillent au salaire minimum, je sais pas où. Là. Ben, j'ai entendu dire qu'il y en a un qui travaille chez Metro. Il y en a un qui travaille chez Raton. Oui, mais il ne travaillera pas longtemps, je peux te dire ça, moi. On le paye en nourriture, mais là, il y a des gaz gastriques. Ouais, c'est assez atroce, quoi, tu sais. Un souvenir de réanimation de 2009 avec l'assistant Jeff Hull. Réanimation, une formule d'émission originale animée par une voix d'outre-tombe. Vous pouvez visiter le site de l'émission au www.reanimationad.com Pendragon said so. Le Dr. Payne Pendragon, un des rares survivants de la radio métal au Québec. Boss, I am so delighted to see you again. I want you to get it. Avant ce cours indicatif, on avait entendu ce classique de Sacrifice, Reanimation de 1987, de ce deuxième album, Forward to Termination. C'est une pièce que le Dr. Pendragon de l'émission Réanimation assez fou à Trois-Rivières considère comme étant vraiment sa pièce fétiche en lien direct avec l'émission Réanimation. D'où vient le nom? 18h51. Je vous parle à l'instant de la doyenne du métal à Montréal en matière de radio. Christine Fortier, le grimoire du métal, CISM. Écoutez CISM 89,3 FM. Vous avez sûrement reconnu Amon Amarth avec la pièce First Kill de l'album, en fait, qui sera sur l'album Jones Viking, qui paraîtra le 25 mars prochain chez Metal Blade. Vous êtes en compagnie de Christine Fortier à la mise en onde et à l'animation pour la prochaine heure. C'est le début du Grimoire du métal. Puis ce nouvel album de Amon Amarth, il va être suivi peu après par une visite de Amon Amarth au Metropolis avec Entombed, Eddie et Ex Mortus. Tout comme le Rockmaster Alain Lefebvre, assez fou, Christine Fortier fêtera ses 20 ans d'animation cette année à CISM, la radio étudiante de l'Université de Montréal, en tant que productrice de l'émission Le Grimoire du métal, qui a précédé pendant longtemps, dans la même grille horaire, L'Ulcère de vos nuits, du regretté Danko Todorov, dont Christine va nous parler brièvement dans cet extrait d'entrevue que j'avais réalisé avec elle déjà il y a quelques années. Le répertoire couvre de tous les courants actuels du métal, du heavy metal au grindcore. Et il ne faut pas se laisser berner par la douceur de sa voix, car Christine peut décider de rincer la population avec une pièce de Aborted, de Napalm Death, à tout moment, sans avertissement, lorsqu'on s'intonise le 89.3 sur la bande FM le mercredi soir. La journaliste de métier apporte une formule informelle, axée sur la nouveauté essentiellement, accentué par les entrevues avec un impressionnant nombre de groupes locaux après toutes ces années. Bien des groupes lui sont en effet redevables pour les avoir invités en studio, soit pour une promotion valorisante de leur lancement d'albums ou de concerts et autres. Et ce même à l'ère d'Internet où la radio traditionnelle n'est plus forcément un joueur incontournable. Malgré tout, Christine Fortier persiste et signe encore dans l'ère moderne, dans la pertinence de se présenter physiquement en studio à chaque semaine dans la réalisation et l'animation live. T'sais, moi, j'étais formée comme journaliste. Le but, c'est d'apporter de la nouvelle avec du nouveau. Puis, donc, c'est pas juste aller faire le DJ à la radio, si tu veux. Donc, je continue de le faire encore à ce jour. Ça va faire ma 15e année. Puis à chaque année, des fois, ben là, surtout depuis que Danko est parti, je trouve ça plus dur. Parce que j'ai pas de relation avec les animateurs qui me suivent. Ils sont jeunes. Pour eux, je suis une vieille. Fait qu'ils me parlent pas vraiment. Puis on n'a pas. J'ai pas développé de lien. Puis, tandis qu'avec Danko, ben, tu sais, je jasais 5 minutes avec, là. Mais c'était quand même. Hey, Danko, pis quoi de neuf? On avait des choses en commun, tandis que les jeunes animateurs, premièrement, ils écoutent pas les mêmes choses, mais ils voient pas la radio de la même façon non plus. Donc, c'est pour ça que je trouve ça plus dur de continuer sans Danko. Ouais. Parce que je vais faire mon émission, je pars. Okay. J'ai jamais rencontré les personnes qui font l'émission avant la mienne parce qu'ils ont toujours pris enregistré. Je les ai jamais vus en studio. Puis, donc c'est ça, il y a beaucoup de monde à CISM qui sont jamais en direct. Là. Ils préenregistrent. Ben, souvent, c'est parce que c'est des étudiants. Donc, mettons qu'ils ont un cours en même temps que l'émission. Mais moi, j'aime bien faire mon émission en direct parce que si tu te trompes en direct, c'est bien plus drôle. que si tu préenregistres. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est ce que j'aime de la radio, en fait, c'est l'instantanéité. Ce qui fait la force de Christine, outre sa grande ouverture, ce sont les entrevues de sa formation journalistique. Elle est capable d'amener ses interrogés à un autre niveau. Elle pose les bonnes questions et sait généralement contrôler ses invités, même les plus turbulents. Je vais faire jouer une pièce qui s'appelle « Vegan Abattoir ». J'essaie de trouver une toune pas trop vulgaire. Donc c'est la chanson favorite d'Alissa White Glutz. Ah oui? Fait qu'on la dédie pour elle. Elle adore. Elle est vegan. OK, oui. Fait que c'est pour elle. Puis, mais c'est qui l'a écrit? C'est moi. C'est toi? T'écris tous les textes? J'écris tous les textes sur ce EP, ouais. OK. Puis est-ce que ta blonde, elle approuve les textes? Ouais, c'est un peu à cause d'elle que je suis dans le band, tu sais. Elle m'a forcé. Elle m'a dit, là, tu vas dans un band alien. Est-ce que tu t'en passes de quoi avec cette band-là? Là, j'ai dit, t'es sûr, si je vais m'humilier publiquement, tu sais, puis là, ma mère va m'haïr, puis tout, mais elle a gagné. C'est elle qui a le bout du bat, hein? Ah oui, puis elle l'a dans la bouche aussi. Oh, ah. Seigneur. On va aller entendre la chanson. Je vous ferme les micros. Go. quelle autre pièce de Napalm Death pouvait représenter, illustrer, en fait, ce qu'est le grimoire du métal pour Christine et ce qu'est le métal, en fait, ou son fanatisme envers ce groupe légendaire, Napalm Death. La pièce Suffer the Children, ce classique de 1990 de l'album Harmony Corruption. Christine a fait état tantôt d'un mot très important. L'instantanéité, le live, ce sont des facteurs qui font en sorte que j'ai énormément de respect pour ceux qui font encore aujourd'hui en 2015 de la radio de façon traditionnelle et surtout dans le métal. C'est toujours ce spécial, les survivants de la radio métal au Québec. Et il est maintenant venu le temps pour moi de vous parler de la voix du métal à CIBL après cette pause publicitaire. Pour Noël, il y a des cadeaux pour les enfants et des cadeaux pour les parents. Mais avec le jeu vidéo Atari, enfants et parents peuvent s'amuser ensemble. Non seulement Atari vous propose Pac-Man et Space Invaders, mais il présente maintenant Yars Revenge. Voilà pourquoi Atari, c'est la passion. Allez, laisse gagner papa. J'essaye. Atari, 1500 jeux vidéo qui déchaînent les passions. Simon Girard, le bourreau métallique, c'est idéal. Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise. Et bonsoir tout le monde, bienvenue au Bourreau Métallique en ce 13 janvier, mercredi 13, ben oui, c'est le mieux que je peux faire qui est pas un vendredi 13 étant donné que mon émission est le mercredi soir. Simon Girard avec vous, donc jusqu'à minuit comme à chaque mercredi et comme à chaque semaine. Je sais pas si vous entendez un charmant bruit en arrière-plan, une espèce de... Ah oui, je pense qu'on l'entend, une espèce de sirène, c'est parce que... L'émission va tellement faire de bruit tantôt que le système d'alarme va exploser, puis c'est vraiment sous le signe que ça. Pour débuter donc, la seule chose qui a pu tuer l'ami, ben c'est la mort. Killed by Death à CIBL. On va réécouter une pièce du premier des trois albums. Je vous en avais déjà fait jouer justement une pièce du premier des trois. Je vais vous expliquer pourquoi après le bloc. Donc pour tout de suite, Entombed AD, Silent Assassin. C'est en 1987 que Laurent Cadieux a initié la première version du bourreau métallique dans l'ancien studio de CIBL sur P9 et qui deviendra une référence à long terme dans la région métropolitaine en matière de métal radiodiffusé. C'est en juillet 2000 que le micro est cédé à Simon Girard qui œuvrait alors avec sa sœur Louise pour dans le magazine Sans Frais et qui occupe toujours le poste après une quinzaine d'années et depuis peu dans les nouveaux studios coin Sainte-Catherine René Lévesque. À l'époque, à l'école, tu sais, tu faisais des à chaque fois qu'il y avait un exposé à rien à faire, que ce soit, c'était ma mort, là. Tu sais, je voulais me cacher en dessous d'une roche. Pourtant, en arrière d'un micro, je me suis jamais senti aussi à l'aise que ça. Par la suite, j'ai comme développé, justement, une espèce de côté orateur à force de faire de la radio. Tu sais, parler devant un public, ça m'intimide plus. Ben oui, un peu, mais ça m'intimide jamais comme à l'époque, comme au secondaire. J'ai un souvenir d'avoir fait justement l'animation d'un show qu'il y avait eu au Spectrum, où il y avait juste les bands old school canadiens, comment ils appelaient ça, le Montréal Metal Massacre, oh oui, je sais pas trop, avec Razor, puis DBC, puis en tout cas, j'étais le maître des cérémonies de ce show-là. Ben oui. Ouais. J'étais arrivé en retard, mais j'étais là. Ben, j'étais là entre chaque groupe, fait que c'est sûr que tu m'as vu. Fait que t'as présenté Razor. Ouais, toute la gang. Puis là, j'ai tout présenté, tout ce monde-là, Pile Driver, puis tout, là. J'ai eu la chance de présenter. Puis tu sais, si tu parlais au monde du secondaire avec qui j'allais, si tu lui disais, ce gars-là, est-ce qu'il aurait fait un. Est-ce qu'il aurait présenté quelque chose devant, je sais pas, moi, 600 personnes, 800 personnes, je sais pas combien de personnes il y avait là, tu sais. Il y avait bon, on aurait dit non, tu sais. Aujourd'hui, ça m'intimide plus. La force d'en faire, j'imagine. En plus de posséder certes une des meilleures voix de la radio citoyenne, Simon, qui prône tout l'aspect live de la radio, use de son expertise en matière de métal pour évangéliser de façon spontanée, honnête et sans filet la communauté montréalaise qui veut bien l'entendre chaque mercredi soir à 23h avec une programmation large allant du traditionnel à l'extrême, du power au black metal, tout en alternant entre les vieux classiques et la nouveauté dans une émission où il fait également sentir le pouls de la ville dans toute son activité, alors qu'il peut se retrouver à tout moment entre deux salles de spectacle à proximité de la station, entre le Club Soda, les Foufs et les Catacombes. Ouais, c'est une bonne manière de finir une chanson, ça. Oh, eh oui. J'ai entendu qu'il l'a repris 10 fois en studio. C'est une vraie histoire que tu nous racontes là? Non, c'est pas vrai. C'est vrai que ça prend quand même plusieurs takes. Fait... tu serais surpris. Oui. Mais tu veux le bon... oh, ouais, tu veux le... tu veux pas que ça fasse... ouais, c'est ça. Tu veux pas que ça fasse... c'est important. C'est vraiment de l'art. Donc, on vient d'entendre Agony et Neuraxis. C'est fou comme tantôt on disait, hey, il reste pas beaucoup de temps, mais il en reste encore moins. Puis à une minute, tu vas voir. Ah, c'est quoi ça? Un souvenir de cette émission particulière qui soulignait les 15 ans, le 15e anniversaire en fait, de Simon Girard à la barre du Bourreau Métallique édition 2.0. Dont figurait parmi autres invités Laurent Cadieux, l'animateur original du Bourreau. L'animateur, Simon, pense avoir passé le cap des 666 émissions et entend bien le faire aussi longtemps que la station lui accordera le mandat. Donc, ce fut un plaisir d'animer les 15 dernières années et j'annonce pas ma retraite ce soir. Pas du tout. J'ai pas l'intention d'arrêter du jour au lendemain. Et toi, Laurent, quand est-ce que tu reviens? Oh, ça, c'est une maudite bonne question à laquelle je veux les points de réponse. Ah, mais écoute, comment tu trouves les nouveaux studios ici à CIBL? Parce qu'on sait que toutes tes années à CIBL ont été passées dans le légendaire et décrépit studio sur P9. Écoute, on était, à un moment donné, au 4e étage. Après ça, c'est descendu au 2e, des tapis crottés, tout ce que c'est que tu veux. Des bibittes. Non, mais c'est vrai, la console, il y a eu, je sais pas trop combien de tasses de café, puis de verre de bière d'échappée. Le monde fumait. Ah oui, on fumait à l'époque. Oui. Absolument. Là, t'arrives, tu sais, coin de Sainte-Catherine, Saint-Laurent, dans un beau petit local, tu sais, tellement feutré, et le bar de danseuse, l'autre bord de la rue. Un observateur sans prétention, de premier plan, du genre métal, Simon Girard, un autre survivant de la radio métal traditionnelle au Québec. this long. Avant cette indicative, nous avions une pièce de Control Denied, ce projet parallèle du regretté Chuck Schuldiner. La pièce étant Expect the Unexpected de 1999, pièce fétiche pour l'animateur du bourreau métallique Simon Girard. La pièce était issue de l'album The Fragile Heart of Existence. Il est venu une temps de vous parler de ce quatrième animateur, quatrième survivant des ondes, le doyen du métal à Québec. Vous écoutez CKIA 88.3 FM, la seule radio progressiste de Québec. Sur CKIA FM, jusqu'à minuit, vous écoutez l'émission Vague 80. I am the Cross, Exhorter, tiré de leur album The Law. Eh bien oui, vous êtes sur CKIA FM, Vague 80, qui vous retrouve après deux semaines de congé, finalement. Le temps des fêtes est passé, j'en suis bien content, laissez-moi vous dire. Ce soir, à l'émission, entre autres, quelques nouveautés, et je vous parle de la nouvelle parution du Decibel Magazine. Je vous parlais d'Aborted tout à l'heure, on va les entendre avec The Saw and the Carnage is Done. Ça va être suivi de Martin Van Drunen and Grand Supreme Blood Court. Bow down before the Blood Court. Jean-Pierre Grenier de Québec a eu l'idée, il y a plus de 21 ans déjà, de soumettre un projet d'émission métal à CKIA, la radio Basseville. Fort de ses expériences de tape trader dans les années 80, avec de multiples correspondants et inspiré par les pionniers en radio à saveur métallique, tels que les émissions Black Power de Raz Evil à CFLN et Blasphème au 96.1 sur la station Sequoia, il aura acquis les connaissances et l'entrain nécessaire pour porter le flambeau du métal old school dans la vieille capitale. C'est le 30 septembre 1994 que Vague 80 est mise en onde pour la première fois, avec deux pièces de Metallica de l'album Kill 'Em All. Dans une animation en toute franchise et simplicité, Jean-Pierre transmet sa passion pour le thrash et le death metal, surtout celui issu de la décennie qui a vu naître ses styles révolutionnaires. De tous les survivants de la radio, c'est avec JP probablement, j'ai probablement le plus de groupes trash fétiche en commun, alors qu'il a une prédilection pour des formations de deuxième vague comme Forbidden, Heaton, Death Row, Exhorter, Annihilator, en plus des classiques comme Destruction, Possessed, SOD, Destruction, Dark Angel, et j'en passe. Dans une discussion que j'ai eue avec lui, on avait abordé, entre autres, non pas l'importance, mais la pertinence de la radio traditionnelle à l'ère moderne, aujourd'hui, en 2016. Comme je te dis aussi, ça a sûrement moins d'impact un peu, parce que, ouais. Les gens ont tout... Tu sais, je me souviens, avant, tu présentais une nouveauté, à l'émission, puis des fois, ben, c'était des choses qu'on avait en avance. En exclusivité. Ouais, en exclusivité, oui, ben, parce que la sortie n'était pas encore, puis le label te l'avait envoyé. Ouais. Ben là, je te dirais que ça avait un impact. À cette heure, si quand même que tu auras un nouvel album du band XYZ qui vient de sortir, ben il y en a qui vont t'appeler, qui vont dire regarde, parce que ça fait 2 semaines que je l'ai écouté, moi, que je l'ai downloadé et que je l'écoute sur le net. C'est ça. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, ça a un peu moins d'impact. Mais d'un autre côté, regarde, t'as des die-hard que leurs émissions de radio aux autres, c'est leur pain puis leur beurre, là. Ouais, donc ouais. C'est le fun pour ça. Puis c'est le fun de voir que je te dirais, moi, que j'en vois quelques-uns, là, ben j'en vois. J'ai des commentaires de quelques-uns qui sont là depuis les débuts, puis c'est tout à fait incroyable, parce que regarde, on parle de quand même de 94. Là. Oui. Donc il y en a qui ont suivi ça, puis non, regarde, des maniaques, il y en a encore, puis ouais. Les gens comme nous, il y en a. Je pense qu'il y en a encore pas mal, peut-être même plus qu'on s'imagine, c'est le fun. Absolutely, ça c'est vrai, je l'approuve, j'approuve Jean-Pierre là-dessus. D'ailleurs, l'animateur, et c'est ce qui fait son charme d'ailleurs, semble avoir été figé dans le temps, un peu comme Captain America dans les comics de Marvel, ce qui ne l'a pas empêché de couvrir l'évolution du genre vers le death metal extrême d'aujourd'hui. Jean-Pierre Grenier, un autre exemple de persévérance et de conviction dans la forme traditionnelle de radiodiffusion underground. Du message subliminal est parfaitement conscient de l'objectif qu'il veut atteindre, à savoir une révolution en profondeur capable de toutes les subversions. Merci Père Gimbal pour ce relan de sagesse. On a entendu une pièce de Devastation de Chicago, pas celui du Texas. La pièce était Awaken from Death. C'était une pièce qui est sortie originalement sur le démo 86, A Creation of Ripping Death, mais je peux pas vous dire exactement c'est quelle version ou d'où c'est qu'elle provient. Je pense que ça pas si fort possiblement d'une compilation qui a sorti des années 2000, je suis pas sûr. Mais bon, c'est un groupe de prédilection de notre ami Jean-Pierre Grenier, animateur de Vague 80 à Sequoia, Radio Basseville à Québec. Nous retournons en direction de Trois-Rivières maintenant pour parler du doyen de la station de l'UQTR, la Radio Campus de l'Université de Trois-Rivières, c'est fou. Alain Lefebvre, rock classique, c'est fou. Après-midi à 13h, plongez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. Led Zeppelin. Yes! Deep Purple. Les âmes sensibles sont priées de s'abstenir et de choisir plutôt immédiatement une station de balade ou de pop gomme balloon. Nous préférons vous en informer. Bonjour, bienvenue à cette émission classique. En ce vendredi 8 janvier 2016, je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les 6 prochaines heures en compagnie de cet abominable et prodigue Dr. Pendragon qui est enfin de retour du Pôle Nord. Bonjour docteur et bienvenue en 2016. 2016? Et oui. J'ai manqué un bout. J'ai manqué vraiment un bout. Mais je dois te dire autre chose, par contre, à travers ces semaines d'absence, j'ai croulé sous les demandes de nos milliers et des milliers d'auditeurs disant, s'il te plaît, docteur, quand vas-tu revenir et vas-tu le faire parce que Rock Classique sans toi, c'est plate. Eh bien, vos souhaits sont exaucés. 'Cause I'm back and I wanna rock. C'est en 2013 que j'ai découvert l'émission Rock Classique d'Alain Lefebvre, directeur de programmation à C'est Fou, la radio de l'UQTR de Trois-Rivières. Émission qu'il a commencé à produire en 1996 à la suite de son mandat de diriger la programmation de cette radio sur la fréquence 89.1, autoproclamée et avec raison comme étant la radio des mélomanes de Trois-Rivières et en Mauricie. Rock Classique est diffusé présentement tous les vendredis de 11h à 5h p.m., donc une émission de 6 heures qui se consacre à l'évolution du rock à travers le temps, des années 50 jusqu'au métal d'aujourd'hui, en passant par le blues rock, le shock rock, le rock psychédélique, le hard rock, le rock progressif et autres dérivés. J'ai été vite stimulé et envoûté par la formule unique qu'est celle de l'émission Rock Classique. C'était comme retourner à l'école du rock littéralement, avec une leçon d'histoire en parallèle, le tout teinté d'humour et d'intégrité. Tellement que grâce à la balado-diffusion archivée sur le web, j'ai pu rattraper l'équivalent de 7 ans de retard et écouter pas moins de 370 émissions passées. J'ai pu ainsi redécouvrir avec plaisir plus en profondeur des groupes comme Yes, King Crimson, Jethro Tull, Frank Zappa, Emerson, Lake & Palmer, Jeff Beck, Frank Marino, Thundergrab Generator et autres, et prendre connaissance de la façon concrète des acteurs qui figurent parmi les racines incontournables du métal comme les Who, Sir Lowell Baltimore, Black Sabbath, Alice Cooper, Blue Cheer, Atomic Rooster et bien d'autres, pour ne nommer que ceux-là. Ou encore de belles découvertes de groupes plus obscurs comme Carmen, Captain Beyond, les Monks, Prometta, Forneria Marconi, The Nobody Else, ou encore se laisser surprendre par des sélections inattendues telles que Acid, Mekong Delta, Black Alice ou Ethan, ou encore une bonne pièce, une vieille pièce de Savatage en concert. à cause du conditionnement perpétuel généré par des stations commerciales comme Shawn, qui se proclament bêtement comme référence du rock avec leur jukebox consolatoire, diffusant toujours les mêmes 90 chansons. J'avais toujours cultivé l'idée que, par exemple, que Steely Dan était un bonhomme qui avait fait 3 ou 4 hits banals pour des baby boomers, alors que c'est bien plus que ça. Une espèce de duo entouré de musiciens de haut calibre, fusionnant habilement le jazz et le rock, dans le meilleur des cas. Avant, j'affichais une indifférence naïve à la période Steve Hackett, Peter Gabriel de Genesis. Tellement Phil Collins et ses deux comparses avaient par la suite transgressé l'éthique musicale du groupe dans les années 80. Et grâce à la bienveillance du Rockmaster, j'ai pu redécouvrir une période haute en créativité et en recherche musicale. Il en est de même pour le groupe Kansas, dont la plupart des monsieur et madame tout le monde considèrent comme des one or two hit wonders, pour me rendre compte en creusant plus loin qu'on avait affaire à un des meilleurs groupes jamais sortis des États-Unis et qui faisait du Dream Theater 20 ans avant son temps. Tout ce qu'on avait ici, dans les années 90, c'était vraiment rock de temps ou énergie. T'sais, autrement dit, un poste pour les femmes de ménage ou les personnes âgées, oui. Ou bien poste pour les douchebags. Oui. C'est aberrant. Là. Quand on est arrivé dans le paysage radiophonique trifluvien, là, c'était comme un coup de poing dans le vin pour des Chinois. Là. Le monde n'en revenait pas. Puis, on recevait beaucoup de commentaires négatifs aussi de personnes âgées qui étaient là. Qui entendait du métal et qui disait arrêtez ça, ça n'a pas d'allure. Là. Il n'avait jamais entendu ça, il était habitué, toute lui vie, il était habitué de soit d'entendre de la pop quétaine à la Spice Girls dans le temps, mm-hmm. ou bien des balades à la Serge Lamour et ces trucs-là. Là, nous autres, on arrive avec du Frank Zappa, du Emperor, du rap. Le monde, il ne comprenait rien là, au début, il virait fou. C'était vraiment, c'était assez spectaculaire, notre entrée. Là. Évidemment, on n'a jamais fait l'unanimité parce que il reste que la masse des gens, ils se confortent là-dedans. Là. Ils sont contents là, de leur Rouge FM ou Rock Détente là, ou Énergie. Ils sont bien là-dedans. Pour eux autres, c'est des winners, là, Énergie. Ou de leur TVA, pas d'image. Ben, c'est ça, exactement. C'est ça qu'ils aiment, ils sont bien ouais. là-dedans. Si tu déroges de la norme, là, t'es fâche. Puis c'est fou, souvent fâché. Là. Je vous propose d'aller écouter la première pièce de Motorhead que le Doc et moi avons entendue dans nos vies. Oui. La pièce éponyme Motorhead. Hein? Ah, ça va. Tellement bon. Vous êtes là. Oui, il y a du vrai rock. Assez fou. 89 FM. Yeah! Motorhead, bien sûr, ben hein, oui. Avec la pièce éponyme qui ouvrait leur premier album, On Parole, qui était enregistré en 1975, mais qui est sorti seulement en 1979, hein, parce que l'étiquette ouais. de disque United Artists... N'était pas content. Ben non, il revenait pas, là, il avait peur. <c'est>... Là. Mets-toi à leur place, là, tu sais. Mais écoute, rappelle-toi que ça nous avait stupéfiés, cette pièce-là. Ben oui, avait ben été oui. été pétrifié en écoutant Et ça. Et moi, là. J'ai adoré la voix de Lemmy aussi. Absolument. Je l'ai entendu. Ouais, ouais, ouais. J'avais toujours rêvé d'entendre une voix comme ça. Rock Classic, c'est non seulement un show de radio, mais c'est aussi une leçon de rock, un divertissement instructif et une véritable célébration de la musique non conforme aux autres stations. Trifluvienne de surcroît, sur la bande FM, dont les deux comparses s'empressent de se dissocier, quitte à aviser le public de changer de station en émettant clairement leur mandat de ne pas plaire à tout le monde. Et pourtant, il y a des stations de classic rock telles que j'ai nommées précédemment qui auraient intérêt à suivre l'exemple de profondeur, d'intégrité et de pertinence d'une émission comme Rock Classic qui s'adresse aux mélomanes en désir de découverte et redécouverte gratifiante. Mais, tu sais, qui aurait dit il y a quelques années que j'aurais fini par aimer des groupes comme Chicago, Steely Dan, Black Oak Arkansas ou encore certaines tunes des Rolling Stones? Personne. Preuve qu'Alain Lefebvre a depuis longtemps réussi dans sa mission qu'il s'est donnée de faire valoir la vraie nature des artistes et groupes qui méritent une mention honorable dans l'histoire du rock et du métal. Le souci du détail, de la chronologie, le sens critique et analytique et les segments à caractère anthologique et biographique sont des facteurs qui rendent l'expérience délectable et sont amenés au micro de manière professionnelle par le Rockmaster qui écoute absolument tout. Non, mais c'est, je suis j'ai toujours trouvé que c'était le pire animateur qu'il y avait sur les ondes, là, tout confondu. Non, écoute, ce qu'il faut savoir d'Alain au départ, c'est que je disais tout à l'heure, on a une passion qui est commune, qui est la musique, spécifiquement le rock, progressif, le métal, sous bien de leur forme. Mais Alain, c'est quelqu'un qui a un niveau de culture qui est assez élevé, qui s'intéresse à plusieurs choses, mais qui va en profondeur. Fait que si on parle musicalement parlant, attardons-nous spécifiquement au rock, au classic rock, c'est une encyclopédie, là. Ça en est surprenant, là, par moment, là. Mm-hmm. Tu poses des questions à ce gars-là, écoute, tu peux pas jouer à Rock Trivia avec lui parce que c'est sûr qu'il perd, là, tu sais. il a tellement lu, il a tellement été captivé par cette forme de musique-là, que finalement, il a enregistré un nombre d'informations qui est assez impressionnant. Tu peux lui dire quel était le nom du gérant de Cactus lors de leur deuxième album, puis il va te le sortir. Là, tu sais. C'est un enseignant radiophonique de la musique rock, si on veut. Maintenant, je ne peux plus le voir de la même façon, parce que je l'ai provoqué beaucoup à sortir de son... un peu sa rectiligne qui s'était donnée de template d'émission, si on veut, pardonne-moi l'anglicisme. Je l'ai fait sortir un peu de ses sentiers battus pour qu'il vienne rejoindre le jeu du personnage du docteur. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, Alain est encore, donne encore énormément de belles et bonnes informations aux auditeurs, présente encore énormément de recherches dans ce qu'il fait. Encore faire découvrir des choses. Mais en même temps, on le fait de façon un petit peu allégée, parce que tu sais que quand il nous présente, c'est pas au moins, justement, un album, un groupe obscur, tu sais, c'est intéressant d'entendre ce qu'il va dire, parce qu'il a fait, justement, comme je l'ai dit, on va répéter notre recherche pour être capable de faire la présentation. Oui. En même temps, le docteur, lui, il va laisser 3-4 minutes à travers ça, qui n'ont absolument aucun rapport, puis qui déconcerte Alain par moment, mais de façon très drôle. Fait que... ça devient une leçon tout en plaisir. Fait que tout ça pour te dire que Alain, c'est un très bon animateur de radio. C'est d'ailleurs le plus vieux, je parle d'ancienneté. Je parle d'ancienneté, c'est le plus vieux animateur et l'émission la plus vieille de ce. Le sommet de la popularité de Montréal en Angleterre, il l'a atteint en 81 avec l'album en concert No Sleep Till Hammersmith. Oh, définitivement. C'est un immense classique. C'est un des meilleurs albums en concert de rock, de metal enregistré de tous les temps. Et là, on va aller écouter la pièce la plus connue de Motorhead. Qui ouvre l'album. Est-ce qu'on a besoin de le présenter? Je crois pas. Non, hein? On va le dire pareil. Les Osmaries! La portion métal de l'émission a toujours été présente, clôturant généralement le fil d'évolution du heavy rock au métal extrême, en passant par la new wave of British heavy metal et le thrash des années 80, avec des groupes qui sont évidemment généralement boudés par les diffuseurs du mainstream, comme Motorhead, Iron Maiden, Tigers of Pantang, Raven, Venom, Mercyful Fate, Opeth, Enslaved, Mastodon et Epica, et ça généralement sur l'heure de grande écoute, puisque l'heure de pointe commence généralement à 4h PM. Anecdote comme ça, alors que je me rendais en Gaspésie l'an dernier, je suis passé par Trois-Rivières sur la 40, et là j'entends le Dr. Pendragon lancer Hell Awaits de Slayer à 4h55 PM. Ça, évidemment, ça a créé l'euphorie dans l'auto, même si j'étais tout seul. évidemment, l'arrivée du Dr. Pendragon comme co-animateur régulier a accentué l'aspect humoristique et célébration de la chose. Le doc étant doté d'une créativité et d'une imagination sans bornes, rehaussant ainsi la dynamique des interventions, par-dessus le contenu déjà traité avec pertinence et dans un vocabulaire à la fois drôle et enrichi, au travers une pléiade de segments tels que les éphémérides, les nouvelles du rock, ça passe ou ça casse, les beaux programmes, la chronique des groupes obscurs, les capsules de la fonte du doc, etc., et les présentations spéciales d'albums anniversaires. 968 émissions plus tard, force d'admettre qu'il n'existe aucun autre show aussi diversifié où l'on peut entendre dans la même épisode Perry Como et Chrisian ou encore Paul McCartney et Revocation. 11h32, vous êtes à l'émission Classique en compagnie de cet étrange Dr. Pendragon. Et moi-même, Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Ben oui! Vous ben savez, oui. Vous savez, le Dr. Pendragon, contrairement à moi, c'est un grand nostalgique. Hein? Ben, il n'y a pas le choix, puisque dans la dimension parallèle où il vit, on est encore en 1969 et Led Zeppelin viennent de commencer leur carrière. Mm-hmm. Hein? C'est pourquoi, quand il regarde la télé chez lui, il regarde toujours des émissions des années 60. Parfois, ça peut conduire à de belles surprises, mais parfois aussi à des déceptions. Alors, dans ce nouveau segment, le docteur va nous présenter à chaque semaine une émission de télé différente, un segment que nous allons intituler « Les beaux programmes d'antan ». Oui, Louis Bilodeau. Quelle est l'émission que tu nous proposes cette semaine, docteur? Bon, on va écouter l'épisode en entier, hein, ce qui dure 50 minutes, là. À la fois diurne et nocturne, la belette mène une vie frénétique. Elle passe plusieurs soirées par semaine dans les clubs de nuit pour belette, à écouter et danser sur des airs de rock endiablés et de lourdes pièces de métal telles que Morbid Angel. Mais lorsque ce régime de vie trépignant lui pèse, elle va faire un séjour chez sa grand-mère pour y écouter du Kiss, et spécialement Kiss Alive 1 et 2. Maiden, nul besoin de présentation, mais je le fais quand même, avec cette pièce Rat Child qui figure sur l'album Killers de 1981, qui, mine de rien, fêtait son 35e anniversaire le mois dernier. pièce marquante dans l'histoire du métal pour le rockmaster Alain Lefebvre, qui est l'animateur de l'émission Rock Classique à C'est Fou, Trois-Rivières, sur la bande 80, la fréquence 89.1. Donc, Alain Lefebvre est, avec la complicité du Dr. Pendragon maintenant, survivant intègre de la radio traditionnelle à connotation métal au Québec. Donc, ça clôture notre spécial sur les survivants de la radio métal au Québec. Ces vétérans qui persistent à diffuser cette musique à travers la province via les stations communautaires, universitaires ou citoyennes. Bref, c'est un hommage à ces artisans de la radio que j'ai produit cette émission pour vous, et je suis très fier de vous l'avoir partagé. Alors, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous convie à un autre rendez-vous la semaine prochaine. Diffuser l'information à propos des podcasts sur SoundCloud, Subversion Metal, la page Facebook, hurlemort.com, les chroniques de Sinistros et aussi toutes les balado-diffusion antérieures de Subversion. Alors, revenez-nous la semaine prochaine pour plus de musique subversive, et je vous laisse avec un mot du Dr. Pendragon sur sa perception de la Grande Inquisition et de cette alliance qui nous rassemble tous. Alors, à la prochaine. Salut. Je trouve ça tellement cool que tu aies décidé de faire une subversion. J'ai comme l'impression, puis j'ai comme vraiment ciblé quel était ce truc-là de la Grande Inquisition il y a relativement peu de temps, à me dire. C'est un cercle. C'est une espèce de noyau de passionnés anticonformistes, oui, qui font un doigt d'honneur à ce qui est justement la masse qui se suit comme mouton là. Je pense que c'est assez évident, et il me semble que ça devrait être comme ça. Ces gens-là ont décidé de s'entraider. Ces gens-là ont décidé de s'afficher, de donner un exposure mutuellement, parce qu'ils ne font pas les choses comme les autres. Puis parce qu'ils ne font pas les choses comme les autres, ils pourraient être facilement pointés du doigt. Alors que l'espèce de prise de position est, on s'en fout, nous autres, on fait ce qu'on aime, puis vous autres, vous êtes pas contents, ben, allez-vous-en. Hein? Exactement. Subversion, fier partenaire de cette grande inquisition de la musique populaire au Québec, avec hurlemort.com, réanimation AD.com et rockclassique.net. What do you mean I don't support your system? I go to court when I have to. What do you mean?